Puis la comtesse, pendant le mois qui suivit, se montra joyeuse comme elle ne l'avait jamais été. Elle venait plus souvent au peuple, riait sans cesse, embrassait Jeanne avec des élans de tendresse. On eût dit qu'un mystérieux ravissement était descendu sur sa vie. Son mari, tout heureux lui-même, ne la quittait point des yeux et tâchait à tout instant de toucher sa main, sa robe, dans un redoublement de passion. Il disait un soir à Jeanne: « Nous sommes dans le bonheur en ce moment. Jamais Gilberte n'avait été gentille comme ça. Elle n'a plus de mauvaise humeur, plus de colère. Je sens qu'elle m'aime. Jusqu'à présent, je n'en étais pas sûr. » Julien aussi semblait changé, plus gai, sans impatience, comme si l'amitié des deux familles avait apporté la paix et la joie dans chacune d'elles.